Hamid Yakoul, Aturidna an ta'khudhna shay'an akhar, voulez-vous prendre autre chose? نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. Donc, les filles disent, nous voulons prendre ce magazine et ce livre et ces vêtements. Hamid يقول أرجو أن لا تأخذنا هذه الأشياء كلها فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. أين حجيجة وعائشة وأم كلثوم؟ Donc il dit, j'espère que vous ne prendrez pas toutes ces choses-là. Car l'hôpital ne permet pas de faire entrer beaucoup de choses. Où sont Khadija et Aïcha Oum Kulthoum? Est-ce qu'elles veulent venir avec nous? Donc il dit, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Je pense qu'elles ne sont pas revenues de l'école. Donc Hamid Yakoul, Aïa Bina Yabenet. C'est une parmi les filles, bien sûr. Non. Donc il dit, Aïa, en fait, c'est un ism fa'il qui veut dire, comme on dit, Aïa la salah, ils le traduisent par accourir. Tu vois? En fait, c'est comme si on disait, allez, on y va. Et quand on dit, Aïa Bina Yabenet, si, allez, on y va, ou les filles. On traduirait à peu près dans. Comme ça, quoi. Donc, comme tu vas le voir, Inch'Allah, ce texte rapporte à un avec le af'al ou l'amsila khamsa. C'est les verbes qui ont un domir muttasil, soit waw jama'a, comme yadhhabuna wa tadhhabuna, soit yamukhataba, comme tadhhabina, ou soit nun iswa, comme yadhhabna ou tadhhabna. On n'a pas encore que le musanna, présent. Ça va venir à la fin du livre, inshallah. Et ces verbes-là, c'est quoi leur particularité? Comment ils sont marfour? Avec le nun. Thubut al-nun, comme on dit. Donc là, il va être mansoub comment? Comme le jazb, parce qu'on a déjà pris le jazb auparavant, et votre mansoub, comment c'est quoi leur signe de nasb? C'est qu'on va enlever ce noun. Comme tu vas le voir. Taïeb. El tamarin el awel wa thani hada li ghad inshallah. Taïeb, comme on a dit, les questions qui se rapportent au texte, c'est pour demain. Taïeb. Thalifan. Yakul. Yes el mudarrisu kullan nitulabi hada sual. Donc, le professeur interroge tous les élèves avec cette question. Il dit. Il dit, qu'est-ce que ces étudiants veulent? Donc après, toi tu dois répondre avec, en employant la formule Haoula yuriduna an, et après tu choisis parmi les phrases qui sont en bas. A savoir, là il veut quoi? T'applique le fait que lorsque un y rentre sur l'un des Afal Khamsa, que tu enlèves le noun qui est après. Par exemple, yuridun an yazhabu ila al-masjid. Tu dis pas yuridun an yazhabuna ila al-masjid. C'est khata. En fait, c'est ça qui veut que t'appliques. Donc toi, tu choisis 2-3 phrases, tu vois, on prend pas tout, hein, c'est pas la peine. Tu choisis 2-3 exemples dans les sections citées en bas. Et tu le rentres dans la question. Donc, un avril de la kassouel, je te répète la question. Maza yuridu ha'ulai at-tullabu. En fait, tu choisis 3 exemples parmi ceux qui sont en dessous. Haoula yuridun an yadhhabun an yadhhabun ila al-mal'ab. An, tu dois trouver la réponse qui est là, mais yuridun an yadhhabu ila al-mal'ab. طيب. Traduis-moi la phrase. Ceux-là veulent aller jouer au terrain de jeu, quoi. Voilà le terrain de jeu, là. D'ailleurs, prends un deuxième exemple. Parmi les trucs en bas, là. Ha'oula yuridu. Yuriduna. Non, ha'oula yuriduna. Agnes Kounou film. Mahajia. Film Mahajia al-Jami'a. Non. Donc ceux-là veulent habiter dans les dortoirs de l'université. Mahajir, c'est le diable de Marja. C'est le lieu de. C'est le second, tu vois. Non. Troisième exemple. Waha'oula yuridun an yajlisu fi safi al-awwal. Non. Donc ceux-là veulent s'asseoir au premier. Tamam. Maintenant, il va t'exposer il va te faire un exposé de tous les du moins comment le du tasrif du fi'l mudari', du fi'l mudari', c'est les conjugués, avec le raf quand il est marfou, avec le nasb quand il est mansoub, comment il est. Donc il commence par yakul ta'amel mayali, mais dites ce qui suit awalan, avec le fi'l zahaba. Généralement c'est le fi'l zahaba souvent qu'on employe. Il y a d'abi el ra'ib, avec le ra'ib. Il dit huwa yadhhabu. Allez, donc là yadhhabu il est quoi? Il est marfou. Yep, yadhhabu il est marfou. Et c'est quoi ce signe de son raf? Ma aram tarafi adamma. C'est l'origine. Comme on a dit, tant qu'il ne rentre pas un truc qui change la chose, il reste l'origine, c'est qu'il est marfou. Ensuite, tu te dis huwa yuridu an yadhhaba. Donc maintenant, il y a un qui est rentré dans le fi'l zahaba. Donc c'est quoi? Lui, il veut aller. Donc il y a Zahaba, là maintenant il est quoi? Il est mansoub à cause de un. Voilà, c'est quoi? C'est le sous-mansoub. Il y a Tazabou, donc elle va. Donc Tazabou, là, pareil, il est marfou, alors tu refais, la Dhamma. Son signe de son rof, c'est la Dhamma. Il y a Touridou, en Tazhaba. Donc elle veut aller. Donc là, Tazhaba. C'est le shahid, il est mansoub bi an ala tu nasbihi al-fatha. Le signe de son nasb, c'est la fatha. Maintenant, il vient avec le mukhatab. Vous voyez, mukhatab. Mufrad, muzakkar. Anta tazhabu. Tu vas. Vous voyez, donc tazhabu, il est marfoua. Ala tu rafi'i al-damma, avec une damma. Anta turidu an tazhaba. Tu veux aller. Donc là, le shahid, c'est tazhaba. Mansoub bi an. Vous voyez, c'est tout par un. Et son signe de son nom, c'est Al-Fatha. Après, il vient avec le Mutakallim Mufrad. Et Anna. Il dit Anna Adhabu. Je vais. Donc là, il y a Adhabu Marfou. Vous voyez, et son signe de son raf, c'est Adhamma. Anna Uridu An Adhaba. Je veux aller. Donc là, le Shahid, c'est Adhaba. Mansoubi An. Et le signe de son nom, c'est quoi? Al-Fatha. Après, Mutakallim, Al-Jam. Nahnu, Nazhabu. Nous allons. Donc, Nazhabu, Malfour. Ou Aramatu Rafi, Al-Damma. Le signe de son Raf, c'est la Damma. Nahnu, Nuridu, Al-Nazhaba. Nous voulons aller. Donc là, Nazhaba, il est Mansoub à cause de An. Et le signe de son nom, c'est quoi? Al-Fatha. Ça, c'est ce qui se rapporte au Mufrad. Maintenant, on prend dans le Jam. Là, c'est ça ce qui concerne le Ders. Réellement. Houm, maintenant c'est le Ra'ib. Vous voyez, Jam. Muzakkar. Houm, Yadhabouna. Ils vont. Donc là, Yadhabouna, les marfoua. C'est quoi le signe de son Raf? C'est le Waouh. Tu parles d'où là? Houm, Yadhabouna. C'est la Fatha? Aïna Fatha. Houm, Yadhabouna. Aïna Aramat Rafi. C'est le waouh. Quel waouh? Waouh, Jamaa. Faï. Maïa Aramat Raf, il a dit comme ça. Tu l'as dit tout à l'heure. Là. C'est quoi, là? Comment c'est quoi? Il s'est passé un changement entre temps. Yadhabouna. Il est mal fort. C'est quoi le signe de son Raf? Houm yadhabouna, antum tadhabouna. C'est bout d'un. C'est un loun. Vous voyez? Houm yadhabouna, le signe de son raf. Là, c'est quoi? Le noun qui appelle waouh. Yadhabouna. Et le waouh, waouh, jama'a, fa'il. Namé moutassil. Houm yulidouna an yadhabou. Donc là, maintenant, quand le shahid yadhabou, il est mansoub par un, maintenant, c'est quoi? Son ala maintenance? C'est un noun. C'est qu'on enlève le noun. Non. Comme le jazz, comme on a pris auparavant. Avec le nahi. On a pris le nahi. On a dit la tazabou. N'allez pas. Vous voyez? Donc là, il est majoum. En enlevant le noun, ben là, c'est pareil. Il est mansoub à cause de un. Et la preuve qu'il est mansoub, c'est le fait qu'on a enlevé le noun. Après, c'est le mukhatab muzakka. Antum tazabouna. Vous allez. Donc là, tazabouna marfoua. Vous voyez? Et la preuve de son rof, c'est quoi? Le noun qui est à la fin. Antum turiduna an tadhhabu, vous voulez aller. Donc tadhhabu,

El madrasatu ka el masjidi. Cette école est comme la mosquée. Yep. Sanyen, hadi el kahwatu kal ma'i. Ce café est comme l'eau. Thalithan, hamidun kaslanu ka zamilihi. Hamid est un fainéant comme son camarade. Sa'ati ka sa'atika. Ma montre est comme ta montre. Mafoum ? Donc quand tu mets le kiev devant, c'est pour faire une comparaison entre les choses, pour faire une ressemblance. Et quand ça harfoja, le nom qui vient derrière, il va être quoi ? Majrour. Mafoum ? Donc là, il donne kalimat jadida. Aada. Le jam, c'est aadat. C'est habitude, coutume. Malabis. C'est des vêtements. C'est des vêtements. Et c'est le djem de l'Ibès. Mouthafou, djem matahif. Matahif. Ça, c'est un musée. Hadikatul Hayawanet, c'est un zoo, un parc animalier. Hadika, c'est un jardin, un parc, c'est marlouf. Et le Hayawanet, c'est le djem de Hayawan qui veut dire animal. Rulbatun, le djem, c'est Rulab. Ça, c'est une boîte. Et c'est pas comme Sundouk, c'est plutôt une boîte, par exemple, une boîte de conserve, c'est-à-dire Olba Hadidiya. C'est les boîtes dans lesquelles il y a le fasoulia, c'est comme ça. Parce que boîte, on peut aussi dire Sundouk. Sundouk, c'est aussi une boîte. Ouais, c'est Daliya, ça c'est pharmacie. C'est Daliya, c'est pharmacie. Donc pour conclure par rapport à ce ders, on a pris un quand il rentre dans les verbes dont le signe de Rof c'est le Noun, et ben l'élément de soupe ça va être comment? En avant ce Noun. C'est tout. Fakat. C'était ça le Khulasa du ders. T'as des cas souhel? Non, on a dit souhel. Alhamdulillah. Rabbil Alameen.